Ouais, donc cette musique, elle s'intitule Vieux Mec, mais elle est valable aussi pour les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont des vieux mecs en fait. Tu aimes agir comme une starlet, vieux mec. Ah ouais. T'es refait parce que tu danses sur de la tech, vieux mec. Oh, la tectonique, franchement, c'est trop fort la tectonique. Tu t'appêtes avec ton survêt et tes baskets, vieux mec. T'as compris? T'es un...